escalier. Est-ce que tu sais que tu fais l'escalade de l'escalier? Est-ce qu'à côté toi qui essaie de monter l'escalier? Est-ce que tu sais que tu fais l'escalade de l'escalier?